餌につられてのこのこついてくような使い魔は改めてお仕置きが必要ね。 待て、それだけは。 バカイネ！ J'ai pas grandi ici, j'ai plus mes parents. Je vis dans un nouveau pays sans être seul vraiment. Une jolie fille m'a recueilli, j'suis devenu son serviteur. Et c'était à Tristania, autant des dragons anciens. Louise, oh Louise d'Aïski, lorsque le jour s'éteint, je me rappelle de Tristania, autant des dragons anciens. Salut, je m'appelle Saito, je suis né à Tokyo. J'étais en balade sur Akiba quand je partis trop tôt. Ce monde est vraiment bizarre, on se croirait à Poudlard. En plus, dans ce vieux pays, ils sont tous franchouillards. Oui, c'est une belle noble avec un bonnet d'âne. Elle me traite comme un chien, parfois un coup de tatane. Mais elle m'aime plus que tout au monde, et puis moi aussi j'avoue. Elle m'a embrassé tendrement, et crois-moi c'était pas sur la joue. Louise, oh Louise d'Aïski, lorsque le jour s'éteint, je me rappelle de Tristania, autant des dragons anciens. J'suis devenu son familier, bizarre pour un humain. J'ai des runes magiques qui ont poussé sur le dos de ma main. Louise m'a offert une grosse épée, un sac qui parle au dos. Tel un chien je la suis partout, tel un chevalier je la saute. Il m'arrive parfois de penser à ma vie au Japon. Est-ce que celle-ci me manque? Je ne crois pas au nom. Car quand cette fille est dans mes bras, quand je lui tiens la main, j'appartiens à Tristania, autant des dragons anciens. Louise, oh Louise d'Aïski, lorsque le jour s'éteint, je me rappelle de Tristania, autant des dragons anciens. Louise, oh Louise d'Aïski, lorsque le jour s'éteint, je me rappelle de Tristania, autant des dragons.